Que viens-tu faire ici? Dites, coach, j'aime ça la musique. Mais dis-moi, qui es-tu? Moi? Personne. Be able to stay home, brother. Love is the answer. Fight the power. Order, Electro, Amanda, keep we are. Zombie, Zombie. A red eye in the de la répétition de certains phénomènes ponctuels naît un cycle. Le cycle induit un commencement et une fin. C'est donc une boucle. La boucle s'inscrit dans un cercle. Si on applique au cercle le facteur temps compris dans la séquence de répétition de ces phénomènes, alors le cercle devient une spirale qui se déroule vers Leurs projets sont menaçants, c'est à peine s'ils s'engagent. Négociation d'un homme puissant, qui sent le sang et qui sent le cash. Si le peuple crie à l'aide, ne crois pas qu'ils s'engagent. Ils s'en sortiront indemnes, sans souci et sans tâche. Ici tout va de travers, comme cet avion qui se crache. Ouais, c'est le monde à l'envers, où il faut se battre sans relâche. J'aurais voulu me foutre en l'air, mais abandonner serait lâche. Seul dehors l'hiver, à la solitude on s'attache. On nous prive de notre terre, alors on vit à l'arrache. Tranche sous nos verres, pour ne pas sortir la hache. On posera pas genoux à terre, on se battra qui le sache. On se battra qui le sache. Remplis ma page pour ne pas finir en cage. J'ai vu sur vos visages que le doute tout se propage. Juste c'est la merde, je lance un appel, une alerte. Quitte à cause de ma perte, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus rien à perdre. Organisons la résistance, quelques frissons d'indépendance. Pour un souffle de délivrance, est-ce la pénitence d'une vie parallèle? Je rêve de voler et on arrache les plumes de mes ailes. Je veux te faire boire la casse, te faire boire et te glace. Tu rêves de classe, mais tu crèves dans la crasse. Ta chaleur humaine me glace. Ici, où tu tends la main pour contre les crasses. Ici, où tu tends la main pour contre les personne prend les boules, personne ne se donne la peine. Pom pom pom, pom pom, chalala. Je crache sur la politique et j'y crois. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Je ne vote pas, tu ne votes pas. Donc elle a rien fait pour toi et moi. Je reste un éternel marginal. Au rime fatal, clic clac bang pour faire mal. Un coup c'est la gauche qui prend le pouvoir, ensuite c'est la droite qui nous plonge dans le noir. Comme nous, la police guette, les élections approchent. Qui sera la victime de ce carnage atroce? La vie est une jungle nourrie par des flingues, des bandes de dingues qui tirent à la seringue. Bang bang. Qui est responsable de la contamination du sang? Tout le monde s'envoie la balle et personne n'est au courant. De la gauche à la droite, non, personne n'est innocent. Suivi pour agression, mais rarement inquiété. La police, la justice remettent en liberté des assassins à qui l'on donne le droit d'exprimer des thèses racistes. Comment voulez-vous respecter? L'action impressive n'apporte pas de solution. Critique sans concession dans l'antipolitique session. Le sang coule, la démocratie en danger. Brahim était un homme citoyen respecté. Un pays qui oublie son histoire est très vite condamné à revivre en puissant les mêmes atrocités. Il n'y aura personne épargné par la rime. 15% pour le front, acquitté pour des crimes. 15% pour le front, acquitté pour des crimes. 15% pour le front, acquitté pour des crimes. 15% pour le front, acquitté pour des crimes. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Ma vie est tragique, dégoûté, manipulé par système. Y'a un problème, y'a un problème. Dans les pays de l'Est, en politique, là les pédales. Dans la putain de politique, assure que dalle. Le fascisme monte, grimpe, monte sans honte. Le chômage fonce, lui grimpe, monte sans honte. Le sujet à venir auquel nous devons faire face. Ce genre de tragédie qui vient de prendre la face. Ça balade, ça part comme une menace. Mal, ça finit vraiment mal. Ça finit mal, fire, ça finit mal, no. J'en parle sur l'antipolitique. Y'a tout le bagarre, feu, meurt, droit. Tout le monde devient dingue. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Antipolitique pour tuer le silence. Music please. Promis d'une violence ordinaire, le cœur dur comme la pierre, tu as les nerfs, la main à l'aise, le coup de poing vif comme l'éclair. Tu manifestes l'esprit révolutionnaire, tu protestes ceux qui nous gouvernent, veulent que tu la fermes. C'est baïonné que tu réponds, majeur en l'air. Ils méprisent plus qu'ils maîtrisent nos us et coutumes. Nos différences étaient censées nous rendre fiers, mais les conséquences ont laissé de nombreux compagnons d'infortune. Si notre monde évolue en bien pour certains, c'est violent qui devient en fuite dans son déclin. Nos enfants n'ont peur de rien, est-ce un mal pour un bien? Je n'en sais rien, ce que je sais, c'est que j'espère ma part au chien. J'aimerais rester lièvre, mais je viens sauver le lièvre. Car on nous vend du rêve, quand des gens dehors rêvent. Victime de précarité, qualifié de médiocre. Mais voici Alité sous les dents de Don Quichotte. Chronique d'une violence ordinaire, le cœur dur comme la pierre. Tu as les nerfs, la main à l'aise, le coup de poing vif comme l'éclair. Tu manifestes l'esprit révolutionnaire. Tu protestes ceux qui nous gouvernent, veulent que tu la fermes. C'est baïonné que tu réponds, majeur en l'air. Ils méprisent plus qu'ils maîtrisent nos us et coutumes. Nos différences étaient censées nous rendre fiers, mais les conséquences ont laissé de nombreux compagnons d'infortune. Liberté, égalité, fraternité qu'en façade. Car derrière, en liberté surveillée, tout se dégrade. Colibé, amalgame, sobriquet, racaille. Le briquet s'enflamme et le karcher ouvre les vannes. Reportage télé, insécurité, cœur de l'autre. Image faussée, dérapage maîtrisé. Fausse note sur le net, en direct, la violence vient mettre l'accent sur les performances. Au mépris du reste dans ton coin. Je

cherche de la conformité. Persécutaire, chacun derrière ses murs. Une moralité, c'est sans futur. On peut faire oublier la liberté, mais jamais la supprimer. D4B. Tant de choses à faire, tant de choses à penser, je suis cerné ici. J'ai assiégé par les chiffres et les papiers. Appuie sur off, tu le temps. Extension, ton capital glande, tu le sens. Pas de jugement, de valeur sur le vécu. Plus le temps, je tue le temps, car plus de passé, plus de passe-temps. Je lance mes flèches pendant que les frigos pleuvent des tours sur les caisses de keuf. Pendant que les dieux et les maîtres se prennent des molotovs chez les grecs, je laisse ma cible m'atteindre. Et la cible me permet de ne pas m'éteindre. J'ai la banane quand les télés s'éteignent et que le vide remplit ton domaine. Mon avenir est noir comme l'or, mort comme les boules aux œufs d'or. Je t'offre le temps comme corps m'endort lorsque le soleil se lève pour les endormis. Comme dans la rêve, j'ai des milliers de si, milliers de ça, milliers de vie, milliers de toi, milliers de moi, milliers de voix, monopolisant mon crâne de piaf. Mon avenir est noir comme l'or. Plus le temps, j'tue le temps. Plus le temps, j'tue le temps. Plus le temps, j'tue le temps. Car plus de passé, plus de passe-temps. Mon avenir est noir comme l'or. Plus le temps. Plus le temps, j'tue le temps. Plus le temps, j'tue le temps. Car plus de passé, plus de passe-temps. Je compose ma cure, balance quelques verbes de trop. Mélange les mots, anime ma paranoïa. Dure de se casser leur tempo. Leur mouvement alimente ton imbago. Notre mouvement affame tes mots de tête afin que tu guettes l'instant dans le berceau. J'ai des balles qu'il faut pour faucher les heures creuses. Remplis les miennes avec mon propre vide. Montez les idées baladeuses et mon toc. Dans cette époque, évite les plumes cupides. Dehors, c'est la monopolie, c'est la monnaie qui domine la trotteuse. Prends garde à ton temps. Investis dans les minutes sans commencement. Investis dans les minutes sans dépassement. Mon avenir est noir comme l'or. vous êtes toujours là ou quoi? Un, on enchaîne. Je sais que tu kiffes derrière ton casque. Allez hop, c'est parti. Ma mine une allumette que je gratte sur feuille, imbibé d'essence et micro comptes en 6. Notre exercice laisser des traces d'incisive. Mourra esclave de son besoin d'addiction. Qu'à Jésus, matière toxique avec danger d'addiction. Additionne le nombre de canines que détient mon crew muni de phases en bandoulière. Tu comprendras que ta jugulaire a une durée de vie restreinte. Tant il est dangereux de vouloir tenter de nous tester un tantinet. C'est du haut niveau si tu penses que t'es haut niveau. Mais quand on y va, mais entre nous, mieux vaut que tu prévois ton stock de crème Nivea. C'est le blizzard. Dansera pas la con, c'est pas la peine de ramener des rimes à la traîne dans notre bastion. On met le turbo, fais profiter les voisins. Gros éclate-toi, le palpite, on secoue-toi de bas en haut. On est posé comme Dao, fond d'un empire comme Mao. Bienvenue dans le Fight Club, on fait péter le projet KO. Ça fait kiffer les raclis, se défouler les raclos. Le crew cerne Paris, s'apprête à lancer l'assaut. Oublie le club country, on chope les co-girls au lasso. Test de pas au basket, 3 points sans toucher l'arceau. Si t'es open et croque depuis que t'as lâché le cerceau. Nous, à la Monster corps contre noix sous les fascios. Laisse béton les statistiques, on fait péter le ratio. Remballe l'applaudimètre, tu vas sentir la pression. Tu cherches du magique son, stop toutes les auditions. Mais nous lâche pas dans l'offre, on va retourner le patio. Du son lourd, gras et gros, tu vas kiffer la session. Réveiller les cervelles, mission, foutre le bordel, passion. Eh oh les mecs, j'ai un truc à poser là-dessus, j'ai un bon thème. C'est un bon thème. Non, mais c'est un freestyle là. Non, mais vous inquiétez pas, sur la tête de Wam, j'ai fait un truc qui non, passe. Non, pas. Tu sais, si tu arrives avec un thème, ça risque de pas passer. Sur la tête de Wam, si je me dis j'ai écrit un truc, ça va non, passer. Mais c'est okay. Sur le coup, vas-y, on va voir. T'inquiète pas, je vais kicker ça sur la tête de Wam. Vas-y, lance le son, Loket. Rejetons de la pire espèce, piste le bénéfice sur les nets. Brief son intellect sur ses fun modes pour récolter l'espèce. Baise avec les traits, maltraite les faibles, fraîchement sorti du bled. Gigolo ta mère en clomède, convoitise sa carte de crête. Il sait par le chef de son job qu'il a sucé tellement. Postule pour être prête, mais en fait viole des petits enfants démunis de tout sentiment, de pitié ou de compréhension quand il commet un inceste. Ooh my nigga, police politique le porte en l'air comme despot. Vice médiatique, les spots donnent des bulletins de vote à celui qui t'escroque, escorte ceux qui se moquent. Des pauvres dans les blocs, du moment que le pot sort. Quels autistes, tous fautifs, tout croire aux gentils bons hommes. Terre promise, car aux juifs, le pouvoir c'est dire que shalom. Alors ta morale chaloupe, car la pas du cœur te chaperonne. T'échapperas pas au chétan qui te brûlera comme le vieux Sharon. Go tech mec. C'est le faussaire, paré à la roque, l'œil du faux. Fait pousser les crocs, pareil à un Wookie Lame. Bloc, c'est le faussaire, paré à la roque, l'œil du faux. Fait pousser les crocs, pareil à un Wookie Lame. Bloc, c'est le faussaire, paré à la roque, l'œil du faux. Bloc, c'est le faussaire, paré à la roque, l'œil du faux. Fait pousser les crocs, pareil à un Wookie Lame. Forte, c'est la garantie du titre. Sois le bienvenu dans mon coffre, j'ai la galanterie du type qui se cale toujours un spliff 10. Secondes avant la nuit, 10. Il est dans la 8-10. Si la manche plane, puis je prétends à un bled tel. Moi je m'en bats les yaka, braca dans ma tête bête. Moi j'envoie les prop, prop, prop, prop. Je te présente mes WC quand mon Bacardi marine te laisse la tête baisser. La niaque, mon frère, c'est le moins qu'on puisse faire. Sauf si tes épaux, zippo, la zeb et la meuf en nuisette. Tu le sais que c'est la zère comme un nut sans les noisettes. Pops dans mes baskets, chops dans mes affaires. Chop la qualité, machette dans la cavité, la sieste. Ou un MC dans l'assiette, à moi de voir. L'année du cyclone, tu ferais mieux de vaisseau. Fais ce qu'il est débris quand on pose notre vaisseau. Pose dans la grotte, on fait sauter ton réseau. Fais monter les gros, tomber les cops, c'est le Sénat. L'année du cyclone, tu ferais mieux de vaisseau. Fais ce qu'il est débris quand on pose notre vaisseau. Pose dans la grotte, on fait sauter ton réseau. Fais monter les gros, tomber les cops, c'est le Sénat. Ça veut tester. Ça sent l'excès testostérone, rap hystérique. Viens par ici, c'est pas le son de Céron. Non, Sirone, on va travailler au corps. Mourasa, Meka, Jésus, LG. Ose dire que ça pète pas fort. Perforation des tapins de ces rappeurs qui font le tapin. On était tapis, maintenant qu'on sort, ça sent le sapin. Je suspecte ton rap de pas péter plus aucun incul-jat. Alors qu'un seul dénote à la détente de Jordan à l'époque. De quoi t'es camp? De la fureur de SP. Mourasa met en soutien pour le chaos en option rap spé. Rap sup, on suppose que ton album se nomme suppositoire. Car en fait, tu vas te le mettre au cul dans cette histoire. Je lâche un 16 bars. Comme si je te pissais sur les pompes. Avec un flow ayant l'aimabilité d'infuser à pompe. Des pom-pom girls virlées, on sait qu'il y a ta soeur dans l'eau. Hello cut, le beat, j'ai un truc à dire à ces raclos. Don't try step to me, you can get done. Valet du cyclone, tu ferais mettre ton vaisseau. Fais ce qu'il est débris quand on pose notre vaisseau. Pose dans la grotte, on fait sauter ton réseau. Fais monter les gros, tomber les cops. Valet du cyclone, tu ferais mettre ton vaisseau. Fais ce qu'il est débris quand on pose notre vaisseau. Pose dans la grotte, on fait sauter ton réseau. Fais monter les gros, tomber les cops. Voilà du putain de texte qui fait kiffer les tasses. C'est le type de test qui veut me tester. Peu un pume de test. Pas ta star, squat ta tête, tu fais tes styles. Who got flow, Boba Fett. Oh no. Boy be the for the fire. Voici l'homme aux milliers de messages. Une voix, mille flows, un seul visage. Toujours entouré d'ombre, mauvais présage. Car j'ai tout qui cause le carnage. Cette tâche de le servir, pas m'en servir. Là ta mise à mort, matador, microphone, cerbère. Toi t'adore, ta cathère est usée de ta cervelle. Pas de servile, si que de cerval. En face avec la terre, mère, être élémental. Fils de l'eau, du feu, de l'air, c'est élémentaire. Je suis brûlant comme sans soleil. Ma rime t'es plus comme une semaine sans sommeil. Le cas Jésus sur scène et tu t'émerveilles. Tu pètes un câble, malheureusement que ta mère paye. Valet du cyclone, tu ferais mettre ton vaisseau. Fais ce qu'il est débris quand on pose notre vaisseau. Pose dans la grotte, on fait sauter ton réseau. Fais monter les gros, tomber les cops. Valet du cyclone, tu ferais mettre ton vaisseau. Fais ce qu'il est débris quand on pose notre vaisseau. Pose dans la grotte, on fait sauter ton réseau. Fais monter les gros, tomber les cops. Nous priver d'espèces, nous cribler les fesses. Yes, venez test, mais comment faire pour maîtriser les tests? Ils ont pris de la 16, frère, ils ont teasé la 16. Ils essaient de dissimuler leur stress. Ils ont pris de la graisse, ils croquent dans le crâne illicite. Traque des travées, des petites. Bravo, vous êtes cramé big. Grave du gravier, mais dites. Moi, vous le saviez, la vie. Toi et la saveur du shit. Parlez-moi d'un truc, à part du terrain. Parlez-moi d'un truc grave, épargnez-moi les petites larmes. Les chalalalalala, il faut c'est pas Dala. C'est ta femme, c'est pas Carala. Ou la bague de père, tise les bras, confond des lobes et l'état qui fait le bise et les charcles au fond des buves et les plaques, c'est clair si c'est les bas, tout fond des UV là y'a quoi dans la graille, est-ce propre, ce que vous buvez c'est propre, j'ai craché dans vos yopes, toi t'avais la miolant, c'est trop tant la copland, la justice est myope. La fissure, fissure, champ de béton craquelé, avec l'atmosphère d'une boîte d'allumettes prête à craquer, de l'essence jusqu'à la taille, fissure sociale, concentration d'une population à la vie bradée. La fissure, fissure, champ de béton. Avec l'atmosphère d'une boîte d'allumettes prête à craquer. De l'essence jusqu'à la taille. Fissure sociale. Concentration d'une population à la vie bradée. Mais pas martel le sol sale seul. Malgré l'équipe qui tient mes arrières. Bien qu'invisible quartier à ses barrières. Ses plans de carrière tout tracé. Issu d'un système drastique. Où la bicrave et la cédique deviennent des trucs fantastiques. Être ma stock dans le business ou dans le feu de l'action. Voilà le rêve des victimes de l'échec scolaire et des missions parentales. Finissent par avoir le sang froid comme des reptiles. Et au final considère le SMIC comme parental. Paraît-il que nos zones sont devenues de non-droits. Selon le droit de savoir, grâce à qui aussi on le doit. Le non-droit, il existe plus pour les familles qui vivent ici que pour les gueules qui viennent déguisées en vici. Normal que les petits salivent quand la lunette arrière du scénic pète. La colère a déjà pris sa place dans leur tête. Le manque d'argent dans leur poche, leur formatage a commencé. Le colmatage n'est pas prévu, ils vont s'enfoncer dans la fissure, fissure, champ de béton craquelé. Avec l'atmosphère d'une boîte d'allumettes prête à craquer. De l'essence jusqu'à la taille. Fissure sociale. Concentration d'une population à la vie bradée. La fissure, fissure, champ de béton craquelé. Avec l'atmosphère d'une boîte d'allumettes prête à craquer. De l'essence jusqu'à la taille. Fissure sociale. Concentration d'une population à la vie bradée. Le ghetto a ses idoles, Zidane et Frank Lucas. Il a envie de son don, l'autre a vécu de ses couches. Dans les yeux des mômes, les diplômes ne trouvent plus grâce. Posés sur leur trône, ils ne prônent que le goût pour souhait, passe l'espèce seule, reste le stress. Les mensonges et bassesse sans cesse ici bas blesse. Les face à face qui opposent la police et jeunesse. Trop souvent se finissent par des détentes l'on presse. Au travers du prisme, le compte rendu de la presse. C'est ainsi que l'on tisse une justice à deux vitesses. Sache qu'ici tout se pisse sur les barrières que tu dresses. Bienvenue dans la matrice, goblable pour quitter la thèse. Yes, toi t'es fier vive la vie de gangster. Tandis que l'autre espère jouer à Manchester. L'égalité, la pauvre JCPier sous terre. L'identité nationale, elle a son ministère. La fissure, fissure, champ de béton craquelé. Avec l'atmosphère d'une boîte d'allumettes prête à craquer. De l'essence jusqu'à la taille, fissure sociale. Concentration d'une population à la vie bradée. La fissure, fissure, champ de béton craquelé. Avec l'atmosphère d'une boîte d'allumettes prête à craquer. De l'essence jusqu'à la taille, fissure sociale. Concentration d'une population à la vie bradée. D4B 94 à Mel, 104 à Niort, radio d4b.asso.fr partout ailleurs. Voici le meilleur MC, le moins connu de France. Qui je dois clasher des vitrans et des MC dépressifs, les yeux injectés, obligé de s'user dans des tafs merdiques pour pouvoir becter. Pas de logique derrière les mensonges, la ségrégation des activistes sous pression, toute forme d'agression. Des tessons de bouteilles, ligne de coke antidépresseur, à chacun son remède, chacun son malheur. Un gros joint en plein milieu de l'après-midi. Est-ce que tu crois que j'aime leur système? Prise de tête quotidienne. Au fond de moi j'ai senti la liberté n'a pas de prix. Tu veux comprendre? Il faut oublier ce que t'as appris. Rien n'est vrai à part notre imaginaire. Rien à foutre de leurs règles à la con et de leurs choix binaires. Ouais, tu peux t'en faire. J'suis cette nouvelle race de panthère immortelle. Plusieurs fois sans plus. Puisque le système est super dark, la weed est super grasse, le beat est super fat. Et parce que j'suis une qu'à moitié, il me reste à rapper tout ce que j'peux, à cracher mes tripes. La rage d'esquisse. Puisque le système est super dark, la weed est super grasse, le beat est super fat. Et parce que j'suis toujours conscient et constant. Iwan avec William Blake, prêt à ce que le système pète. Dangereusement étrange, instable et inclassable. La pierre dans le bis de bug, putain de grain de sable. J'passerai ma vie à combattre le système. J'ai été trop loin ou pas assez pour sortir indemne. Cramer des scènes, vous aider à tenir. Car je sais que l'isolement pour nous c'est ce qu'il y a de pire. Alors on s'organise en réseau alternatif. On lève le doigt pour ceux qui font des lois de la matrice. Chaque jour, chaque minute, à chaque seconde, à chaque putain de pas, je veux transformer le monde. Du stress, des drogues diverses, espoir brisé et crise d'angoisse. Des soirs où t'as trop teasé. Je peux pas me débarrasser de ce poids. Le jeu est dangereux et je fais tout ce que je veux pour pas faire ce que je veux. Je perdrai ma liberté pour rien au monde. Tandis que le ciel gronde, je comprends de plus en plus ceux qui posent des bombes. Puisque le système est super dark, la weed est super grasse, le beat est super fat. Et parce que j'suis libre qu'à moitié, il me reste à rapper tout ce que je peux, à cracher mes tripes. La rage d'esquisse. Puisque le système est super dark, la weed est super grasse, le beat est super fat. Et parce que j'suis toujours conscient et constant. Iwan et K. William Blake, parce que le système pète. Quel putain de pervers veut coller une caméra devant chez moi? Quand les soi-disant protecteurs deviennent une bande de voyeurs sans scrupules, je veux pas gober la pilule de tranquillisant qu'on donne à ceux que la peur a rendu crédule. Et la biométrie je l'encule, parce que j'estime que mon ADN est aussi personnel que le contenu de mes testicules. Et compte tenu des mots que j'articule, combien m'ont déjà traité de paranoïaque, parce que mes narines sont sensibles au parfum de l'arnaque. J'ai pas le savoir d'un énarque, je me nourris de ce que je remarque. Et si notre omniprésident veut de son propre aveu tout voir et tout savoir, crever l'œil de Big Brother va devenir mon premier devoir. On veut me ficher, me coder pour que mon identité reste figée comme un produit de supermarché. Et je devrais me sentir en sécurité parce que la CNIL s'est inclinée et les caméras se mettent à pulluler comme des boutons d'acné. Excuse ma naïveté, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle espionner. Et la DGSE peut te pister, leur GPS est dans ta poche, il s'appelle Bouygues ou SFR. Et la police consulte sa boîte mail, balance ton voisin à romasbouca.fr. Et on sera tous coupables tant qu'on laissera faire. Je veux que l'État s'occupe de gérer ses ministères et surtout pas de mes affaires. Et merci bas élèves d'élever les gamins, les grippes pensées loin des lèvres, dans des écoles ou des prisons de rêve, pour apprendre que le travail rend libre. Y'a des profs et des keufs, et des pages arrachées dans les livres, et des gosses qu'on livre aux autorités pour des papiers d'identité non délivrés. Merci à Yomari et son sel. scène, Saint Mystère qui prône un ciel couvert de drones. Le commissariat du futur, c'est juste une bande de clowns déguisés en clones, dont le cerveau clignote quand l'identité que tu déclines semble suspecte. Et fouiner dans nos têtes va devenir le spectacle infect d'un inspecteur qui se respecte. Mais dans quel putain de pays on habite? Dans quel putain de film de science-fiction à deux balles ils trouvent leur style politique? Même Adobe est une grosse blague, et je reste poli, n'empêche que tu risques le tribunal si tu télécharges illégalement l'album gratuit de Monsieur Sai. Bienvenue chez les sceptiques, réparateurs de pannes optiques, traducteurs de nos langues, sécuritaires en territoire couvert de flics. Ici on remplit les tiroirs de fichiers qu'on légalise 20 ans plus tard, et on garde tout ça sous silence parce que les gens n'ont pas besoin de savoir que les labos pharmaceutiques ont accès aux infos de la carte vitale, que Google fiche tes clics, et gare à toi si tu cliques mal, que le calcul de l'audimat c'est comme un œil qui match chez toi. Et sinon dis-moi, quel putain de pervers de coller une caméra devant chez moi. T'es victime du panopticon, t'es tombé dans le panopticon. Rentre chez toi, ne sors pas de chez toi. Lorsqu'ils disent protection, comprends surveillance. T'es victime du panopticon, lorsqu'ils disent protection, comprends surveillance. T'es victime du panopticon, t'es tombé dans le panopticon. Rentre chez toi, ne sors pas de chez toi. Lorsqu'ils disent protection, comprends surveillance. T'es victime du panopticon, lorsqu'ils disent protection, comprends surveillance. Paranoïe, je perds un œil dans le cœur de ma vie. Ma tête tourne pour mordre ma nuque. Ils ont retourné mon bureau pour se branler derrière mon dos. Je ressemble à un portrait robot. Shampoing aux amphétamines, dentifrice à la caféine. Les nains prennent leur bain dans le bidet. Au-dessus du lavabo, le cyclope fait un clin d'œil. Le journal de 13h se termine par la naissance d'un panda. Pendant ce temps-là, les milliardaires poursuivent le printemps en avion. Invincible comme la mort, l'élite, le quota, le gratin, accouche en levrette. L'amnésie retrouve la mémoire en enfonçant ses doigts dans une prise. Crachat de coups de boule, chewing-gum à l'aluminium. Je tire les ficelles qui sortent de mes oreilles et je me fais péter la tête comme un mammouth. J'suis pas dingue, j'suis vigilant. Quand je dors, je ronfle pas, je crèche dedans. J'suis pas dingue, j'suis vigilant. Quand je dors, je ronfle pas, je crèche dedans. J'suis pas dingue, j'suis vigilant. Quand je dors, je ronfle pas, je crèche dedans. Une alarme sonne toutes les 3 secondes et s'arrête uniquement en cas d'intrusion. Une chaise qu'on retire quand on s'assoit. Addition de soustraction, mémoire sans teint. Mes ongles poussent plus vite. J'ai tellement pleuré que les pompiers sont venus me chercher en barque. Rondade de sirène et pile dorsale cassée. J'aurais pas dû choisir mes amis avec un annuaire et des fléchettes. Je tremble comme une araignée qui brûle. Je me réincarne en avalanche pour pleurer dans la mer. Voyage dans une cage. Je suis mon sang dans un radiateur froid. Aussi ma frais qu'un albinos. À l'été, y'a un cancer du sein. Quand je vais chez mes parents, c'est comme si je me retrouvais dans un service après-vente. Je renifle en reculant. Je respire entre mes dents. Je baisse le rideau en remontant ma braguette. J'suis pas dingue, j'suis vigilant. Quand je dors, je ronfle pas, je crèche dedans. J'suis pas dingue, j'suis vigilant. Quand je dors, je ronfle pas, je crèche dedans. J'suis pas dingue, j'suis vigilant. Quand je dors, je ronfle pas, je crèche dedans. J'suis pas dingue, j'suis vigilant. Quand je dors, je ronfle pas, je crèche dedans. Yo, let me Complètement barré, barré. Le game est cassé, t'inquiète, on vient le réparer, barré. J'suis pas préparé, barré, pas paré pour parler de canne. Et tous les faux MC qui sur mon chemin ont voulu vanner, vanner. Me dis jamais que notre rap peut pas ressembler au tien. Personne peut nous toucher, là j'me sens tellement bien. J'suis qu'un gros bâtard maras qui vient grave te marave. Qu'est-ce que tu peux faire pas mal à part être à l'arrache, hein? Noir ébène et la couleur du gun. Tu vas venir nous pomper comme des Reebok Pump. Ça vient toujours de Paname, qu'est-ce que tu peux faire de pas mal? Gravé dans les annales, arrête, tu vas faire ça mal. j'ai des phases au kilogramme, tantôt sweet, tantôt infâme. T'exclames à tour de bras sur des instrus ou auprès des femmes. J'ai l'écriture fine comme les meufs dans les magazines. Flow énergique, calciné à la pile alcaline. Ma team trouve souvent la speed dans la bibine, alors que certains ont troqué l'aspirine pour se remplir les narines. Mon rap est flex, mais se consomme avec parcimonie. Sinon, je crée une oraison funèbre lors de ta cérémonie. What this verse sound like? Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. Bad on my level, microphone mask. Map bien la technique, un truc ancestral et mythique. Je suis de retour avec l'équipe et mes 3-4 tics. Qu'est-ce qui se passe, fils? Tu sais pas dans quoi tu t'immisces. Attends, bouge pas, je capte pas, je te repasse, Phyllis. Je représente Guada, j'ai jamais perdu mes valeurs. Ma force de vivre dans un pays froid, je perds ma couleur. Je suis en manque de mélanine, frère, c'est la merde. Alors que certains se blanchissent exprès, quel intérêt? Chacune de mes attaques va sortir de mon crâne. L'inspi vient des vestiges de l'empire du Vietnam. Magic, mon pote, c'est le volume 2. Envolé comme un rafale, là je perds les cieux. J'ai roulé ma bosse au fur et à mesure des années. Donc appelle-moi Quasimodo de Notre-Dame des damnés. Créateur de cahiers au sein de mon effectif. On est des poissons soif qui en fin de soirée deviennent prohibitifs. Merci pour le talent, je suis venu saluer les dieux. Il va sortir de ma chambre te faire saigner des yeux. Si le rap est un bal masqué, je suis MF Doom. Mate un peu ma clic, clic, clic, clic, boum. Français, t'inquiète, on sait ce qu'on fait. Tu saisis pas le concept, maintenant tu sais ce qu'on sert. Faudra passer ce concert pour faire la diff conserve. Tes bras, tes jambes, ton veau sert. Parce qu'on sait ce qu'on fait. Et c'est l'effectif, Eric, Phyllis et Chaz. Mec, j'espère que tu kiffes le rap, la soul, le jazz. Faudra passer ce concert pour faire la diff conserve. Tes bras, tes jambes, ton veau sert. Maintenant tu sais ce qu'on sert. Fuck, libre purise la cam de blanc coq. Yeah. À peine arrivé, je reviendrai de plus belle. Quitte à me faire exploser la cervelle. J'quitterai un ouinge avec Marley et Bigel. J'suis le MC le plus intègre que j'connaisse. Né à connaître, j'ai grandi dans le 9-3-150 finest. Blanc comme Hip Hop Kings. Depuis l'époque des princes du swing, des premiers graphes et des premières rimes. Demande à Lord Salim. Tu connais pas MC Ramba, le hip hop brille, lui seul dirige nos mentales. Quand dans leur torchon tous vaut, à les entendre tout à le même niveau. J'ai le gun à Truck Turner que j'braque dans le micro. J'suis conscient pour qu'on me le automise pas, ils perdent tous leur temps s'ils pensent que je leur autorise ça. Je connais mes droits, chaque jour essaie de rester libre. Car je crois que pour tuer mes peurs, fallait que je les écrive. Psychness donne le ton, je prends soin des syllabes. Arnaud s'occupe des scratchs, j'ai rime carreau sans tous les cadavres. Je sais d'où je viens et je prends garde à ma destination. Ce que je mets dans mes lyrics, ce qu'on balance dans le son, la tension augmente, je crois qu'il est temps que tu connaisses notre nom. Est-ce qu'ici, quatrième distillation, je sais d'où je viens et je prends garde à ma destination. Ce que je mets dans mes lyrics, ce qu'on balance dans le son, la tension. Attention, augmente jusqu'à cet instant qui n'a pas de nom. Goûte à notre ultime distillation. Yeah. Fuck la critique, on est plus que légitime dans ce bise. On est tous tombés dedans vers l'âge de 13 piges. L'odeur peinture, la wax des vinyles, les touches du sampleur, des heures de la peur qu'on forge nos styles. Est-ce que tu comprends? On s'en fout vraiment, tu rap c'est franc. Poker de chapelle, je m'en branle pour être franc. C'est instinctif, j'ai le flow, je kick. Les têtes bougent partout dans le public, balance un fat beat. Je m'allume un gros stick. Laisse-moi dans mon monde, hip hop de combat. Chaque seconde, je vais chasser le drap. Je recrache des grosses bombes, beatworks alchimie, anti-facho et anti-connard. Dans le dico, la qualité des choses rares. On n'a pas de concept, je reste juste moi-même et assume qui je suis. One love à ceux qui nous apprécient dans le district. On n'est pas seul, je t'assure, on est plein. À kicker des grosses vibes pour l'amour des siens. D'où je viens et je prends garde à ma destination. Ce que je mets dans mes lyrics, ce qu'on balance dans le son, la tension augmente, je crois qu'il est temps que tu connaisses notre nom. Est-ce qu'ici, quatrième distillation, c'est d'où je viens et je prends garde à ma destination. Ce que je mets dans mes lyrics, ce qu'on balance dans le son, la tension augmente jusqu'à cet instant qui n'a pas de nom. Goûte à notre ultime distillation. Bien plus qu'une musique, un art de vivre, t'as capté le message. La vérité profonde qui se cache dans mes pages. C'est ici que ça se passe, frangin. Vas-y, harangue ton voisin et bat-toi

assistons à un véritable massacre. Il y a des exécutions sommaires, les enfants, les adultes, les vieillards, personne n'est épargné. Les images parlent d'elles-mêmes. Alors qu'à l'instant même, une patrouille se dirige vers nous. Je n'arrive pas à les identifier. Ils sont serbes, ils sont croates, je ne sais pas. Hello, hello, we are French television. We are journalistes. French. No, no, stop, stop, we are. Why, but why? Allume ton téléviseur, mate les dealers, les taux d'homicide, les toxos qui spiquent et les clodocytrines. Les hommes politiques soporifiques sans autocritique. Parle de profit économique sur fond de soucis écologiques. Tu fumes des mégots coniques, crains les contrôles, ça libère, file ton pédo. Au schmitt où c'est la sanction arbitraire. Loin des causes humanitaires, c'est pas des palivernes. Ils jettent ton shit au sanitaire suite au prélèvement capillaire. Je l'ai vu dans le droit de savoir, la lutte contre l'insécurité. L'application d'une loi de bâtard qui sont certains et justifiés. Et on parle d'attentat à l'anthrax d'un groupe séparé. Mais pas des scandales d'argent sale dans un état laïque. Force est de s'étonner, de se questionner pour déconner. Tous régis par les pétroliers, du retraité à l'écolier. Je dois déplorer ce monde erroné, ou quelque chose doit déconner. Personne n'est exonéré, rien n'est rétrocédé. Force est de s'étonner, de se questionner pour déconner. Tous régis par les pétroliers, du retraité à l'écolier. Je dois déplorer ce monde erroné, ou quelque chose doit déconner. Personne n'est exonéré, rien n'est rétrocédé. Sous mon angle de vue, au pouvoir y'a que des langues de pute qui s'entretuent. Pour un grand cru ou un plan cul, je comprends plus ce qui se passe de nos jours. Je vois que des vautours qui planent autour de carcasses qui clament au secours. Même les gamins éclatent le garde-boue et partent au quart de tour dès que ça parle sous. Écartez-vous, fini le caritatif. Les cartes-vous l'ont pas forcément prédit. Mais le capitalisme pousse les hommes au cannibalisme. Certains usent du bachiche, espérant être calife à la place du calife et grimpent la hiérarchie des actifs. Pendant que certaines donnent leur corps afin de pas mise en dehors. Y'a une bande de porcs qui sur leur dos se fait des couilles en or. C'est gore comme de penser à ceux qui vivent dans d'immenses bidons, pile plein d'immondices et triment dans les usines pour quelques centimes. Dans un pays industrialisé où tout est instrumentalisé et l'esclavage légalisé. Mec, dans moins de 20 ans, si ça continue ainsi, ça finira dans un bain de sang comme à la tauromachie. Vu que les acteurs de cette monarchie en costard gris, plein de coquetteries, vivent en autarcie. Sur les bénéfices de grosses escroqueries. Dans moins de 20 ans, si ça continue ainsi, ça finira dans un bain de sang comme à la tauromachie. Vu que les acteurs cette monarchie en costard gris, plein de coquetteries, vivent en autarcie. Sur les bénéfices de grosses escroqueries. Les acteurs de cette monarchie vivent en autarcie. Sur les bénéfices de grosses escroqueries. Range les beaux discours de campagne électorale. Aujourd'hui c'est trop tard, on respecte les quotas et même les pectorales. C'est comme ça les tocards à la tête du pays engrangent les bénéfices comme escotards. Rien de mémorable, c'est déplorable. Tandis que les étudiants manifestent et bloquent le rectorat. Les transporteurs, eux, s'estomacent sous le poids de l'écotaxe. Oublie les négociations devant les démonstrations de pouvoir. Gare au mouchard à la première sommation. Couche-toi, sors ton mouchoir et constate comme ça corrive en costard. Sa coquine puce à la cocaïne qu'à la cocarde. Quel connard, il part en camp se va. Pendant que ses concitoyens comatent. Derrière des carreaux sales sans emploi. Si j'en crois les chiffres officiels, les ménages s'appauvrissent, l'État rationalise et nage en pleine démagogie. On assiste à l'hémorragie de la démocratie. Et les blaireaux assis sur le trône de l'aristocratie prennent la diplomatie. Forcé de s'étonner, de se questionner pour déconner. Tous régis par les pétroliers, du retraité à l'écolier. Je dois déplorer ce monde erroné, ou quelque chose doit déconner. Personne n'est exonéré, rien n'est rétrocédé. Forcé de s'étonner, de se questionner pour déconner. Tous régis par les pétroliers, du retraité à l'écolier. Je dois déplorer ce monde erroné, ou quelque chose doit déconner. Personne n'est exonéré, rien n'est rétrocédé. Sûrement pas, mais rien n'est rétrocédé. La classe politique française évoque une démarche honteuse et irresponsable. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Theodor Herzl et ses amis, des gens totalement athées. L'autorité sioniste, qui est une rébellion satanique contre la Torah. Et je suis de l'avis des premiers sionistes, des inventeurs de l'État d'Israël. Les sionistes ont une grande responsabilité dans l'Holocauste. Zionist at the same time was quietly negotiating an agreement with the Nazis. That deal, reported in August 1933, was the transfer agreement. Ils ont envoyé des migrants d'Europe, des États-Unis et d'autres parties du monde afin d'établir un gouvernement totalement raciste dans la Palestine occupée. Les sionistes, bien entendu, le dépeignirent sous les traits d'un antisémite, comme ils le font de n'importe qui, en Europe ou ailleurs dans le monde, qui tenterait de se dresser contre l'État criminel d'Israël. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. L'Amérique verse chaque année une aide de 3 milliards de dollars à Israël. Elle oppose son veto aux résolutions de l'ONU qui sont contraires à l'intérêt de l'État hébreu et lui assure un appui militaire et logistique permanent. Ils ont braqué le peuple, ont falsifié son histoire, construit l'empire nazi sur une démocratie illusoire. Ils craquent les antisémites pour mieux se planquer derrière. Car qui est donc Israël si les Rothschild finançaient Hitler? C'est quoi ce monde de taré? Un air de Sodome et Gomorre, dirigé par des fous, des pédophiles, brigands et violeurs. Où sont les valeurs morales, garantes de nos républiques? La justice se fait rare comme un ministre qui serait pudique. Bienvenue dans le réel, la terre est colonisée. L'IPAC dirige le monde pendant que le CRIF contrôle l'Elysée. La France victime de censure, symbole de l'ordre établi, pays des droits de l'homme devenu pays du Talmud Babli. J'observe ce système pourri de Wall Street au Qatari, des frères en Palestine au SDF qui meurent à Paris. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où sont les aides de conscience? Pas besoin d'être paranoïaque, faut juste un peu de bon sens. Leur mission est sataniste, leur but c'est de nous diviser, détourner nos regards de leur projet pour le finaliser. Y'a même Al-Qaïda qu'ils ont créé pour terroriser. Car tant que le peuple a peur, il a peu de chances de réaliser. À vos vols, voleurs, à vos guerres, on dit non, non, on pleure. Vos murs, vos barrières, on dit non, non. Au génocide d'Israël, on dit non, non. C'est quoi, tu comprends pas, au terrorisme, on dit non. À vos vols, voleurs, à vos guerres, on dit non, non. Vos peurs, vos murs, vos barrières, on dit non, non. À la violence, Israël, on dit non, non. C'est quoi, tu comprends pas, tout le peuple dit non, non, non. We need more troops, more helicopters, more satellites, more Predator drones. El diablo está en casa, pues. President Obama said Iran will pay a price. ¡Váyanse al carajo! ¡Yankees de mierda! L'EPAC s'efforce avec succès d'éprouver la loyauté du Congrès à sa cause pour soutenir une action du gouvernement israélien ou pour condamner l'Iran et les autres pays de la région. La haine planétaire d'Israël est le nouveau visage de l'antisémitisme. Mort aux Arabes, scande encore les partisans d'Avigdor Lieberman. L'anéantissement total des Arabes, voilà la solution. Pardon ? Ceux qui ne veulent pas pactiser avec l'antisémitisme doivent dire fièrement « Nous sommes tous des sionistes ». Et c'est reparti à ce clown téléguidé qu'on appelle Obama, qui s'est trouvé un remplaçant pour l'agent spécial Osama. On s'est habitué, oh là là, y'a l'axe du bien qui a envie de tuer, alors ça va. Y'a trop de pétrole et d'Arabes là-bas, donc les médias en Europe en tout cas, ça les dérangera pas. De toute façon, y'a Jacques Addy qui a dit qu'il faudra au moins ça pour relancer l'économie. Et ça passera vu l'ampleur de la lobotomie. C'est un Hiroshima et deux Nagasaki et trois atomises l'Iran comme promis. Et peu importe si les enfants iraniens y laissent la vie baraque sans table comme du phosphore blanc qu'on balance au Gaza. Oui, et si c'est en tant qu'être humain que tu réagis, les BHL et compagnie traiteront de nazis. Espère pas porter plainte si t'es tabassé par la LDJ. Ils s'entraînent sous le ministère de l'Intérieur, donc réfléchis. Milice armée communautaire et répressive, question précise, est-ce qu'on est en démocratie? A priori je crois pas, vu qu'une attitude responsable, il paraît que c'est laisser crever nos semblables. Faire confiance à l'Empire, à sa rhétorique invraisemblable, à ces braqueurs de pétrole, à ces menteurs lamentables. Sans blague, ces monstres cherchent le conflit frontal. Ils sacrifieront nos enfants pour leur chère guerre mondiale. Et nous faut qu'on trouve ça normal, et faut même pas qu'on chiale. Quoi de neuf aux infos, 40 morts à Gaza, rien de spécial. À vos voleurs, à vos guerres, on dit non, non. Vos peurs, vos murs, vos barrières, on dit non, non. Au génocide d'Israël, on dit non, non. C'est quoi, tu comprends pas, au terrorisme, on dit non. À vos vols, voleurs, à vos guerres, on dit non, non. Vos peurs, vos murs, vos barrières, on dit non, non. À la violence Israël, on dit non, non. C'est quoi, tu comprends pas, tout le peuple dit non, non. La RFID porte sur la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. Ils pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. A new world order, when we are successful, and we will be. On ira ensemble. Ce nouvel ordre mondial. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem. Est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne? Bien sûr, bien sûr. Et personne ne pourra s'y opposer. On peut imaginer qu'une société décide que ceux qui sont trop coûteux pour la société. Aucun d'entre nous n'en sortira. Parce que l'espérance de vie va beaucoup augmenter. Nous aurons à prendre la décision de savoir si on accepte comme tout le monde les OGM. vous a retiré vos crédits de recherche à la suite de vos travaux et de prise de position qui embarrasse Monsanto. On ne veut plus que leur folie continue. Le manque d'informations fait que l'aboutissement de leur plan, on y contribue. Destruction de l'environnement, réduction de la populace. Plus sage pour un contrôle total de chaque individu. Je pourrais regrouper tous mes textes en un thème. Protéger la vie, la terre de ces démons qui veulent y mettre un terme. Issus de cette génération rageuse contestataire, qu'on sent que l'enjeu, et tout ce qu'on a à perdre, droit à défendre et tant reste à faire. Trop de mal fait, ignorez-vous la vérité ou vous refusez-vous de l'admettre. Quel est le sens de nos vies? Regardez ce qu'on lègue d'une certitude. Nos ennemis sont bien au service de la bête. Vagateur, conscience et de paix. Mais l'en va de soi qu'on est là si ça pète. Pacifiste entraîné, freiné, c'est fêlé. On a tout intérêt, ne stopperons pas. Donc des milliards d'humains n'en seront pas enterrés. C'est dur à croire, mais les preuves sont là. Le plan RFID est en marche. Des cercueils de tout taille stockés en masse. Y'a vraiment de quoi vouloir rester en marge. Ce qui nous menace pourrait être une page de notre histoire appelée le grand ménage. Voleurs à vos guerres, on dit non, non. Vos peurs, vos murs, vos barrières, on dit non, non. Au génocide d'Israël, on dit non, non. C'est quoi, tu comprends pas, au terrorisme, on dit non. À vos vols, voleurs à vos guerres, on dit non, non. Vos peurs, vos murs, vos barrières, on dit non, non. À la violence d'Israël, on dit non, non. C'est quoi, tu comprends pas, tout le peuple dit non, non, non. We are Israeli conscientious objectors. That means we refuse to serve in the Israeli army because they are occupying another people. Palestinians. Palestinian kids can't go to school because of checkpoints. Or even get health care. A lot of them have been killed or their homes demolished. It's illegal. It's wrong. It's immoral. It's against my personal beliefs. It's against my basic values. Personnellement, je suis juif et je suis de plus en plus dégoûté par le comportement des sionistes. Ils insultent la mémoire des victimes de la Shoah en se comportant comme des nazis, quoi. En essayant d'exterminer un peuple en prenant ses terres, en les affamant, en leur volant leur eau, en faisant un blocus sur la nourriture, sur les soins médicaux. Oh, I don't know.